Le comité pour la mémoire du président Nguemelson vient d'être constitué en France à l'occasion des 23 ans de son décès. Il a décidé d'organiser des cérémonies politico-culturelles. En outre, le comité de souvenirs du président Nguemelson du Parti progressiste du peuple du Nigeria est aussi mis sur pied.